la journée porte ouverte de l'INRS, un rendez-vous à ne pas manquer. Choc FM, la radio à l'Université du Québec à Montréal. Oui, on choc. En manchette ce soir, on a une nouvelle qui parle de caca pour le retour de Israël Trudel-Denis dans nos studios, et ainsi que le nouveau thème de Danny Daniel Gabriel, shorteningé pour la radio. Vous écoutez 70%. T'inquiète pas, je suis là. Un, deux. Trouver le moyen d'avoir des écouteurs qui fonctionnent. Un, deux. Mon micro, il marche. Il marche, mon micro. J'entends rien. Ah, quoi? Hello? Un, deux. Ça va? Eh bien, ce soir, à 70%, on aura des difficultés techniques au menu. Ouais, ça commence tout le temps bien, les difficultés techniques. En fait, c'est Indian Terminator, Fight de Matrice. Parlant de difficultés techniques. Ça, c'est le film qui a été choisi. Oui. Et puis là, ben, je vais le faire glisser, là. Puis on va commencer tout de suite en se saussant là-dedans, puis après ça, on va présenter nos gentils collaborateurs. D'accord. Ça va être magique. Un 70%, pas comme les autres, parce que c'est un Bollywood. Parce qu'il n'entend pas qu'est-ce qu'on dit, fait qu'on peut dire n'importe quoi. Tommy, il est poche. Il est poche. Ça, c'est vrai, par contre. Là, je suis ramassé avec mes micros qui sont tous mélangés. On va écouter ça un petit peu. Indian Terminator, Fight the Matrix. C'est tout en hindou. C'est très, très critique. Atul, aaj raat kya hai? Aaj hamare londe ki swagraat hai. To phir ye yahan par kya kar raha hai? Family planning ki taiyari kar rahe hain. Are, kaisi baat kar raha hai? Are, tu mehmano ko khana khilane ke chakkar mein khud bhookha reh jayega. Ja. Oh, ja, yaar, celebrate your swagraat. Go! Aaj to ye bhookha na aave kamre se. Et voilà, c'est souvent des histoires de fantômes, ces affaires-là. J'ai finalement trouvé du matériel adéquat. Merci de votre patience. On est à 70% avec Simon Préjean. Il marche bien, il croit ici, il marche très bien. Je vais faire ça tout le long. C'est... c'est Tommy! C'est quoi? Je serais-tu mieux de le baisser? Non, pas du tout. C'est ça, si tu veux. Attends, c'est ça, c'est ton ça, c'est ça, c'est le nez. Fait qu'on pense sinon à Christopher Ciclosi. Bonsoir. Bonjour. Hello. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici, t'es à 70%. Qu'est-ce que tu viens nous parler de aujourd'hui? Pas grand-chose. Juste pour donner des commentaires sur des autres. Il y a déjà assez de choses qui se passent. Oui, ça brasse. Ça a commencé. La dernière fois, on l'avait confronté au Capitaine Québec. Puis ça n'a pas bien été, ça. J'ai jamais retourné. L'Amiral Canada, ouais. Oui, ça, j'ai eu peur. Il n'y a pas eu de part 2 encore. Non, ça viendra pas. On souhaite qu'il n'y en ait pas non plus. laisserai jamais venir ça. Vous avez reconnu la voix radiophonique de Claude Bernier. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Tammy. De quoi tu vas nous entretenir? Toi, tu venais nous parler du pouvoir de la manipulation. Ah, ben écoutez, moi, vu que je fais des visites parmi vous inopinés à la dernière émission de la dernière saison, OK, j'avais parlé que je toucherais tout souvent à la culpabilité. Ben oui. Puis, disons que la dernière semaine, à partir de mercredi 16h53, je me suis senti coupable. Ah, c'est bon à savoir. Ouais. C'est de notre faute, je suppose. C'est de ta faute, ça, c'est sûr. Et voilà, on va explorer les causes. Évelyne Potvin et Cloutier. J'ai pas d'écouteurs, j'ai pas de micro, j'ai pas rien. Hey, je suis là quand même. On a trop de monde à 70%. Trop de monde. Ouais. Moi, je viens parler de Haïti, de la religion. Et ben non, mais il faut en parler quand même à 70%, ouais. Je pense. On a notre vision des choses. Ah ouais, non, sans vouloir être plate, moi j'encourage nécessairement les gens à faire un petit don à la Croix-Rouge, mais après ça, ça va être tout ce qui va être plate. C'est bon. c'est bon. C'est réglé, au moins c'est fait. Et il reste encore Israël, passer ça, c'était juste pour faire la course des micros. Et voilà, moi je vais vous parler de ma nouvelle chronique et vous inciter à y participer s'il y a lieu. Ah, ça tout à l'heure. Ça apprécie. L'eau des bains durs. DJ George, est-ce qu'il y a un thème à ton univers auditif? Ben aujourd'hui, je refais une chronique dont vous êtes le héros. Ouh. Sur le thème « Les parties du corps ». Pensez-y. Oh! Yeah! Ça prend les parties du corps qu'un enfant de 5 ans connaît. Là. Ça te fera la danse d'Hélène? C'est celle qu'on touche aussi. C'est vous autres qui allez me dire qu'est-ce que vous voulez. Vous venez si on veut la danse d'Hélène, on peut dire la danse d'Hélène. On peut dire ça. Parce qu'elle parle de doigts. C'est vrai. Puis de plein d'autres affaires. Elle parle de dedans aussi. Non, devant. Les gens là à la maison qui écoutent, là, 987-3000, poste 1610, vous me nommez une partie du corps plausible, puis je vous fais une toune. Puis sinon, voilà. Vous pouvez aussi appeler pour voter pour qui qu'on devrait sortir du studio, parce qu'on a un micro qui nous manque. Donc, on va en éliminer un ce soir. Et bien sûr, 50 cents par appel. Étienne Forêt au balotage, mesdames et messieurs. Ouais, je suis en danger. Et puis de l'autre bord, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est réellement Indian Terminator Fights the Matrix. C'est un Bollywood de 2002. On va parler un petit peu de la vague Bollywood puis toutes ces affaires-là. En attendant, on va aller écouter Modest Mouse puis Out of Gaz. Avant, on va laisser un petit peu de Bollywood. Ah oui, l'ambiance. Bien. Ça dit bien. À 70%. Merci beaucoup, Danny Daniel. Pardon d'avoir... Ça va être mieux la semaine prochaine, c'est ça. Ça va faire 22 secondes. Jiske baare mein aap log kuch nahi jante. Ek minute, Inspector saab. Us ladki ke photo maine reception mein kheeche the, jo main aapko laake dikha sakta hu. It's brilliant. जाओ पहले उस लड़की के फोटोग्राफ्स लेकर I'll just get back to you. Richard, j'ai pensé à quelque chose. Ouais, vas-y donc. Ben, quand une fille vient s'inscrire, là, j'aurais aimé ça que ce soit toi qui s'en occupe. Ouais, continue. Ben, c'est qu'avant de présenter les filles aux clients, j'aurais aimé ça les tester moi-même. Tu vas te faire passer pour un client? Ben ouais, y a rien là. Je suis sûr que je m'accrocher une couple de filles désespérées là, pour une petite baisse. Puis après que je les ai dompées, ben, t'es présenté aux vrais clients de l'agence, c'est tout. Ici Danny Daniel Gabriel, vous écoutez l'émission 70% à Choc FM. Peu près, Danny Daniel Gabriel au complet. Bruno. Oui, alors, les nouvelles internationales. Il y a de la guerre et des tremblements de terre. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Et toute l'équipe de 70% voudrait noter que c'est l'anniversaire de Bruno Corbin cette semaine. L'accouchement a été long. Joyeux anniversaire. L'attente a été longue, mais la récompense en a valu la peine. Voilà, je suis de retour 28 ans et pour mon anniversaire, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire des nouvelles d'actualité. Donc voilà. On y va, on part tout de suite avec l'actualité. Il y a Eric Estavillo de la Californie qui a lancé une poursuite contre Activision Blizzard qui a le à qui on doit le jeu World of Warcraft. L'homme prétend que le jeu est truffé d'illégalités comme un rythme lent qui oblige le joueur à passer plus de temps afin de se déplacer d'un endroit à un autre. L'homme prétend aussi que le jeu est responsable de ses multiples problèmes de santé, incluant un trouble obsessif compulsif, l'agoraphobie, les troubles d'anxiété, la dépression et la maladie de Crohn, qui est une... oui, ça a beaucoup rapport. Très... voilà, qui est une maladie du digestif complet. Donc, on pourrait d'ailleurs se demander probablement que le juge va y dire quelque chose dans le genre, fait que ça t'a causé 6 maladies puis t'as pas arrêté de jouer. Ouais. Mais bon, ben, voilà. C'est à cause du trouble obsessif compulsif qui est arrivé en premier. Exactement. Il peut pas arrêter de manipuler qu'il est. Winona Ryder. Oui, Winona Ryder. Qui est? Vous voyez où c'est que je m'en vais avec ça. Ainsi que Martin Lee Gore, co-fondateur du groupe Depeche Mode, ont reçu des subpénas pour cette poursuite. La première pour son obsession commune avec celle du demandeur pour le roman de J.D. Salinger, Catcher in the Rye, et comment l'isolation dans le roman peut mener à l'isolation dans la vraie vie, j'invente rien. Le second a été appelé comme spécialiste en isolation puisqu'il est connu comme quelqu'un de triste, seul et isolé, tel qu'on peut le constater dans ses chansons. J'ai bien de faire une citation. Estavillo est connu dans le milieu judiciaire comme quelqu'un qui poursuit les jeux vidéo lors de sa dernière poursuite contre la compagnie Sony d'avoir décidé de l'avoir banni du jeu Resistance Fall of Man. Il aurait déclaré qu'il se présenterait en cours avec un complet violet puisqu'il appréciait beaucoup le jeu Mortal Kombat versus DC au moment de la poursuite et qu'il jouait tout le temps avec le Joker. Estavillo espère obtenir $1 million pour ses problèmes reliés au jeu World of Warcraft. Ben, bonne chance. Ouais. Ça, ça va faire plaisir à Winona quand même d'être dans une salle de cours, mais comme témoin. C'est un autre point de vue. Vous êtes habitué d'être isolé. Parlez-nous-en. Hey, c'est un sacré dossier, ça. Ouais, merci. Ça va être à suivre, peut-être aussi. Ah ouais, on va y retourner. Update la semaine prochaine. Ouais, ça va faire préjudice dans le monde de la justice des geeks, là. Ben oui. Ouais. Je suis geek, monsieur, ouais. Je veux $1 million. Ben d'après moi, ça va faire jurisprudence, mais pas dans le sens que les geeks voudraient. Non, c'est sûr. Ça se rendra peut-être même pas dans une salle. De quoi qu'un vrai geek, là, il est pas du genre à aller faire un tournoi de ronde d'avocats pour avoir le droit de baiser la belle de la justice. Là. Non, il va régler ça autrement, c'est sûr. Il va y régler ça avec par une eBay. Licorne puis une épée magique. Ça, des licornes. Il va y uploader un film. Mana Regen plus 4, là, grosse Orc Slayer. Hey, Claude Bernier, tu voulais nous parler de Toast? toast? Ben, de toast beurré qui tombe à terre, là. Ah. Parle-moi-en pas. Toi, t'as pas de générique, fait qu'on va te donner comme 30 secondes, mettons 5 secondes de silence. Claude Bernier. Claude Bernier. Non, c'est une blague. Hey, Colin. Claude Bernier. C'est une blague qu'on veut arrêter. Et voilà, on vient de te faire un générique. Ça a été vintage. Je pense sur fond d'Indian Terminator Fight the Matrix. Effectivement. Ça s'appelle de même pour vrai, ce film-là. Caliste, dites de quoi? non, excusez. Vas-y, Claude. C'est très bon. Ben, écoutez, moi, c'est plus une ouverture par rapport à qu'est-ce qu'on va traiter plusieurs de mes collègues d'infortune. Je me suis réveillé un matin, puis je m'en vais sur Internet. Et vois-tu pas mes amis me dire, essayer de me faire comprendre que qu'Haïti fait pitié. Et vous savez, Haïti, ce pays, l'un des premiers pays d'Amérique à acquérir l'indépendance en 1799. On retrouve beaucoup d'Haïtiens à Montréal qui sont arrivés en deux vagues. La première, dans les années 70, qui fuyait, en fait, Papadoc. Et puis, l'autre vague est surtout arrivée dans les années 90. La première vague, c'était surtout des intellectuels, médecins, infirmières. La seconde, des paysans. Et puis, moi, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'Haïtiens à Montréal. Et en lisant mes nouvelles d'amis, mais c'était tous des gens qui pleuraient sur le sort d'Haïti. Un tremblement de terre. Et puis, immédiatement, moi, je me suis senti coupable que ce peuple si grand et si bon et si humain, encore une fois, ravagé. Ma journée a vraiment mal débuté. Et puis, j'ai réalisé que la culpabilité venait des médias, mais que nos proches utilisaient les médias pour nous rendre encore plus coupables. Et puis, cette journée-là n'a pas arrêté, évidemment. C'est sûr que, v'là 5 ans, quand il y a eu le tremblement de terre au Pakistan, que 75 000 personnes, on a traité, quelques pages dans les journaux. Faut quand même réaliser qu'on s'est retrouvé dans la presse avec un spécial de 28 pages le lendemain. Dont, la première page des sports où on voyait une photo d'Haïti dévastée. Et pour nous aider... Il y avait une photo d'Haïti dévastée pour les sports. Pour les sports, la première, je suis tombé sur le cul, mais c'est pour encore nous rajouter un peu plus de culpabilité en utilisant les vedettes professionnelles du monde sportif qui jouent soit au hockey, au football, au baseball et qui sont haïtiens. Ben oui, c'est Larac qui a scoré un but le lendemain. On a donné pour Haïti. On a donné un but pour Haïti. Effectivement. Je dis que c'était assez, là. On a beaucoup donné. Ça a sauvé 4 vies. Ben, moi, j'ai envoyé 5 piastres à Grégory Charles. J'ai payé une bière à Luc Merveille. Ben, en fait, moi, je l'ai appelé. J'ai dit, Luc, t'es-tu là? Il me dit, hey, il est 3h du matin, va te coucher. J'étais soulagé. Y a-tu quelqu'un qui a des nouvelles de Charles Bédon? Il manque-tu à l'appel? Là? Mais inquiétez-vous pas, par exemple, Herbie Moreau a retrouvé son père. Ah, tu vois bien. Il était caché sous un tapis rouge à quelque part. L'autre Merville, je sais pas. Je pense qu'il était ici. Non, lui, il doit être occupé en ce moment. Ouais, il était couché quand je l'ai appelé. Ouais, c'est ça. Il ne peut nous parler, là. Non, mais c'est où tu veux en venir, mettons? C'est que, dans le fond, la force des médias fait qu'un message devient redondant encore plus au travers du... Mais en fait, c'est que la culpabilité, les médias nous font sentir coupables. Mais aujourd'hui, avec les médias qu'on a, qu'on utilise, les moyens de communication, nos amis, nos proches utilisent ça pour nous rendre aussi coupables. Moi, j'avais plein d'amis qui voulaient que je pleure sur le sort d'Haïti sans que je puisse le faire moi-même. Ils me forçaient à vouloir être triste au lieu que moi-même, je fasse ce constat-là. Et puis, c'est forcer la patte au monde, à la culpabilité. Avec comme les médias interpersonnels, comme Facebook, MySpace, exactement. Puis, là. Puis de toute façon, le monde, ils ont pas besoin qu'on pleure pour eux autres. Ils ont besoin qu'on leur envoie des pelles puis des brouettes. Qu'on aille pelleter puis qu'on aille brouetter. Oui, là. Puis surtout un sens d'organisation. Parce que quand on pense à Haïti, on pense à un pays que... Il y a eu plein de gens qui ont volé l'argent des pauvres, puis c'est pour ça qu'il y a des pauvres. Puis quand il y a un qui arrive au pouvoir, il prend tout le cash, puis il s'en va se cacher ailleurs. Faut se donner une chance. De 2006, 2007, 2008, c'est Haïti qui a gagné le pays le plus corrompu sur Terre, selon l'Organisation mondiale de journalisme. Ouais, c'est parce que les Italiens ont payé pour pas gagner ce prix-là. Merci beaucoup. Ben oui, mais c'est loin de moi de faire la leçon à Haïti ou loin de moi de dire que je suis pas ébranlé, mais je me souviendrai quand même qu'au Pakistan, en 2005, 75 000 personnes sont mortes puis on n'a pas pleuré comme qu'on pleure pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des Haïtiens ici. Posez-vous la question, c'est peut-être d'y répondre. T'inquiète pas, c'est ma job de pas me sentir coupable. Ah oui, une chance que t'es là, Fred. Il y a un groupe sur Facebook en plus, hein? Ouais. I don't care about Haïti. Il y a des super beaux témoignages à lire sur cette page-là. Wow. C'est de toute beauté. Hey, ça doit être constructif, ça. Ouais, ça doit. Il y a du monde qui font des babayes. Allô? Salut les babes. Allô, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Je sais pas. Faut arrêter de parler d'Haïti, le FBI est arrivé. J'avoue, ils ont l'air méchants. On aimerait ça que vous arrêtiez de parler d'Haïti, s'il vous plaît. Mettons un petit peu plus loin que ça, là. Peut-être qu'on devrait aller goûter un peu de ce que DJ George a gardé. Bien certain. Au travers des parties. Puis comme Haïti, c'est un pays qui ressemble un petit peu à la place que le foie serait si... Si l'Amérique du Nord, c'était quelqu'un, j'aimerais ça que tu me mettes une toune qui a rapport avec le foie en commençant. Oui, parce que tu sais, j'en ai plein des tounes de foie. C'est bien connu. Il y en a vraiment eu beaucoup. Mais regarde, je vais quand même t'en mettre une. OK, fait que je passe ça tout de suite. Un instant. Un jour à la fois. C'est plus proche que j'ai. Je garderai toujours la foi. Voilà. Alors ça, c'est Julie et Paul d'Araïche. Ah oui. La fameuse famille. La famille d'Araïche. Les autres sont beaux. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas justement une chanson country qui dit « Aïe aïe mon foie » ou quelque chose. Il y en a peut-être. J'ai pas toute la musique du monde. Menteur. OK. Je veux juste pas la mettre parce que j'aime pas. Fait que ça, c'est la foi. Ah OK, j'ai caché pourquoi tu faisais un spécial sur les parties du corps. Tu penses qu'il y a une raison? Ouais, je pense qu'il y a une raison. Ouais, okay. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ouch. OK, Fred, sors-nous une partie du corps. Moi, il y a quelque chose que j'haïs, puis c'est ceux qui trippent ses pieds. Mais ils doivent avoir des tonnes, eux autres. Les orteils, les pieds. Ah ouais, la pointe de pied, là. Ouais, la pointe de pied. Fait que je dirais les pieds ou les orteils aussi. Ou les orteils, j'ai les deux, en fait. On peut y aller. Mais j'irais que les orteils. Les orteils, c'est bon, ça. C'est là que ça ramasse les mousses. Oui, c'est vrai. Fait que j'ai une chanson qui s'appelle carrément Tes orteils et c'est du Joël Denis, donc c'est toujours très fort. Ah, waouh, il semblait aussi. Vous allez voir comme c'est inspiré. C'est tout, ça rime. C'est vrai que c'est inspiré. Vous allez voir, ça rime tout. Inspiré. Oh, je vais dire expiré, pardon. C'est là, hein? Chalala, chalala. Je me désolé. Ah, come on. Ça va, frère. Hey, c'est vraiment dur à écouter. Denis, on rappelle qu'il a scrappé sa carrière en décidant de poser nu avec toute sa famille pour un magazine, sa famille incluant des enfants alors mineurs. Tu me niaises, là? Non, c'est sérieux. C'est vraiment comme ça qu'il est sombré dans l'oubli, parce que pendant un bout de temps, quand même, il était populaire, Joël Denis. Puis là, il a fait ce move-là, puis finalement... Quelle bonne idée! Ça a été très critiqué. C'était quoi le magazine, c'est-tu? Je sais pas, probablement que ça n'existe plus aujourd'hui. Nudis Québec, ça existe, ça. Ouais, mais je pense pas que c'était ça, mais je me rappelle plus. Il faudrait que je fasse d'autres recherches. Il me semble que, par exemple, sa défense, il était de dos, une affaire de même, mais c'était quand même des enfants tout nus. À quand la famille Dion? Oui, on a hâte en maudit. Claudette, surtout, et les mamans Dion. Bon, okay, c'est pour les gérer ton fil. Chris, as-tu une partie du corps qui t'inspire? Ah, Mais moi, je trouve bien sur des genoux. Je sais pas pourquoi, mais. Des genoux, j'en ai une de genoux en plus. Juste de genoux. Qu'est-ce qui rime avec genoux? Bravo à Joël. Que nous. Ibou. Chou. Chou. Pou. Caillou. Cou. Fou. Toutou. Bisou. C'est une chanson de Nicolas Termier. Partout. Ça, c'est Termier. Non, c'est Ternicien, pardon. Qui lui est en fait chante des chansons chrétiennes, mais ça s'appelle Je fléchis le genou. De manière chrétienne. Ok, de parce qu'il s'agenouille à l'église. Exactement. Hey, c'est bien fait. Ça, c'est récent, là, c'est l'année passée. Ben, on voit que c'est fait moderne aussi, hein. Ah oui. T'as un son comme d'aujourd'hui, contemporain. Il y a de la guitare cheesy. Là. Voyons, il marche sur vos écouteurs, vous autres. Je veux que tu règnes sur moi. Il s'abandonne totalement. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. C'est comme un combat. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait. Celui de te servir et t'adorer. J'abandonne. J'abandonne. Ça ressemble à ce que ma femme me dit le matin au réveil. Tout ça. Mais il avait pas gagné le prix Galaxy du canal chrétien contemporain, justement, ce gars-là. Ah, ça serait fort probable parce que il doit pas avoir beaucoup de monde. C'est ça, il est arrivé seul à la compétition. C'est un peu comme l'hymne national des BDSM, des fétichistes. Ouais, c'est carrément ça. C'est clair, là. Il s'abandonne puis il veut que tu sois son maître. C'est au tour à Bruno de prendre une partie du corps. Ouais, non, on en prend tout de suite, moi. Là. Ben, en fait, Bruno, vu que c'est ta fête, moi, j'ai un cadeau pour toi. Oh! Tu vas lui donner un tennis? Moi, j'aimerais ça d'en avoir une qui parle des yeux, des oreilles, des épaules, des bras, des jambes, puis des fesses. D'accord, on va essayer de trouver ça. J'aimerais savoir quelque chose qui a tout ça dedans. D'accord. En fait, ça, la joke, c'est que l'autre fois, Bruno m'a appelé pour me faire part d'une information que je connaissais pas. C'est que j'ai fait jouer Génération Passe-Partout il y a une couple de semaines, moi. Puis il y avait la toune de Martin Deschamps qui avait fait une toune avec Ils étaient quatre qui voulaient se battre. Puis là, il m'a dit « Tu l'as-tu écouté jusqu'à la fin? » Puis j'ai dit « T'es-tu malade? » Fait que là, il m'a fait écouter jusqu'à la fin, puis là, je vous la redonne la fin. Non. Une chance qu'on ait juste la fin. Ah ouais, parce qu'elle est interminable. Ouais, ça, c'est le début. Ah, solo. Oui. Ça, c'est le début, là. Ça vous met dans le beat, là. Il n'y avait même pas de musique sur ce continu-là. Non, lui, il en a fait une toune rock. Ah, c'est qui est bon! Fait que ça, c'était sa tune. Mais si on l'écoute jusqu'à la fin, là, dans les 20 dernières secondes, là, ça devient vraiment intéressant. Ça s'en vient d'un instant à l'autre. J'ai deux yeux, tant mieux, deux oreilles, c'est pareil, deux épaules, c'est drôle, deux bras, ça va, deux fesses qui se connaissent, deux jambes. Non, Martin. Il est tellement rock! De l'autodérision en même temps. Hey, deux jambes me semblent. Fait que voilà. Bruno, comme une fête. Poignée de sacres là, qui me viennent. Est-ce que tout le monde ici est en train de réfléchir? J'espère que oui. Je pense qu'on non, est. Ça me rappelle une scène du spécial sexe de Predge, là, qui avait une fille avec un mignon. Ah, dans le cul de l'autre gars! Ouais, ça m'a beaucoup resté. Ah! On dit orifice à la radio, Zach. On dit dilaté. Christian, t'as-tu quelque chose à... Je veux dire, Claude, t'as-tu quelque chose à nous dire? On est rendu là, ouais. Mais moi, j'avoue qu'à chaque fois que j'entends Martin Deschamps, je me touche les mamelons. Ah oui, puis là, tu veux une toune de mamelons? Oui. Je pense pas que j'ai vraiment une toune de mamelons. Ou ben de boule? Ouais, je peux trouver, une toune de boule, ça, c'est plus facile. Ah ben, boule, mamelon. Parce que mamelon, je pense que j'en ai pas. Non, il y a sûrement une toune qui existe, genre, j'ai des gros seins et pas toi, je suis la reine de la plage. C'est sûr. L'île nationale de Saint-Pierre et Mamelon. En tout cas... Les mamelons. Ah, t'as les boules, t'as les grosses boules. Ah oui! Jordi, je suis resté bête quand j'ai vu ça pour la première fois. Le clip est pas pire, c'est lui qui se pogne des filles. Ouais, mais il est pas une plus vieille en plus, c'est comme pas des poussées de 8 ans. Là. Ouais. Alors, c'est ça. C'est sûr. Ben, on le sait, hein, 8 c'est le nouveau 4. Là. C'est ça. Qu'est-ce que ça? Allez, boule. Allez, boule. Bravo, Étienne. Merci. Je ne suis que le message. Je pense qu'on va se saucer un petit peu dans celle-là avant de revenir pour poursuivre l'émission. Hein? On va écouter Jordi. Complet! À 70%. C'est ça que je t'en veux, t'as mis des fois. Moi, Charlie, tu es sous le choc ou quoi? Écoute, j'apprécie beaucoup ton aide, mais... Dave, c'est moi, Charlie. Mais bon Dieu, qu'est-ce que t'es revenu faire ici? C'est complètement dingue. Arrête. Je comprends rien à tout ce qui m'arrive. Votre mari veut vous parler en bas. Venez par ici. Comment? À travers cette horloge grand-père? Quelle étrange entrée pour un sous-bossement. Ils vont te baiser gentiment et ils vont t'écrabouiller ta turbine à chocolat pendant qu'ils te videront de ton sang. Oh, ils dorment pas dans des cercueils en taffetas. Ça t'a filé le gourdin? Ça m'a filé quoi? Ben quoi, le bâton, tu comprends? Est-ce que ça t'a mis la gaule? Et voilà. Tu comprends? Ben oui, tu comprends? C'était pour éclaircir le bâton. Wow, wow, wow, te calme-toi. De l'excellent vampire de John Carpenter, le même qui a fait Le Village des damnés. Ben la nouvelle version. Le remake, ouais. Ouais, celui. Mais au moins, il y a Rob Zombie qui s'est revengé en faisant des remakes poches de Halloween 1 et 2. Ouais. Au moins, chance, au moins. Impliquons quelqu'un qui est pas là. Vas-y, Bruno, ouais, continue à faire ça, impliquer du monde qui sont pas là. C'est bon, c'est ça que je suis là pour ça. Cher journal, aujourd'hui, j'ai foutu la merde. D'accord. Alors, afin de célébrer les 20 ans de son émission préférée, M. Stott planifie de regarder son téléviseur pendant 150 heures pour se taper tous les épisodes des Simpsons. S'il peut rester éveillé pendant tout ce temps, il battra le record Guinness de la personne ayant regardé la TV le plus longtemps sans arrêt. L'exploit sera surveillé par des officiels qui s'assureront que l'homme ne tombe pas endormi. Les yeux de l'homme devront rester fixés sur l'écran. S'il mange pendant une émission, il n'aura pas le droit de regarder son assiette. Le record actuel est de 4 jours détenu par un Américain, mais l'homme du pays de Galles se sent prêt puisqu'il est un grand fan de la série. Un porte-parole de Fox a déclaré presque une semaine de télévision sans dormir, Homer serait fier. En effet. Le président de Fox impliqué du monde intelligent jusqu'au bout. Voilà. Et puis, on va rester dans les gens qui font des choses pertinentes. Irene Thomas a plein de choses dans son congélateur, des légumes, des crêpes, du poisson, mais elle a aussi une balle de neige qui date de 1977. Thomas a déclaré qu'elle n'a jamais eu de panne de courant assez longue pour que son compagnon glacé, qu'elle dit précieux à ses yeux, ne fonde. Il est comme un animal de compagnie, dit-elle. Pareil. Elle le sort parfois du congélateur pour le montrer à ses amis. C'est la seule chose que ça peut servir. C'était mon histoire de human interest. Hey, pardon. Imagine comment ça va être vendu dans un casino avant longtemps, cette boule-là. Hey, mais ils viennent de vendre un grilled cheese là, avec la face Jésus de Jésus dedans, dessus. Ben, ouais, comment, ouais. Ils peuvent vendre n'importe quoi. Comment? Non. Je donne 40 000, moi, pour ça. Ben oui, la patate qui ressemble à E.T. Puis, Ben, quand même, le nom n'a pas été compliqué. Il s'appelle Snowball. Humour léger. Tu me laisses de glace. Parlant d'humour déplacé, on va écouter. Je vais lire en fait. Parce que d'habitude, on fait pas ça, premièrement, de l'humour déplacé. Non. Mais je vais lire un petit bout de mon texte sur Indian Terminator meets The Matrix. On laisse rouler ça dans notre tête, ça s'appelle comme j'aurais ça. J'aurais mieux aimé Indiana Jones Terminator meets The Matrix. The Matrix. The Transformer Matrix. Genre, c'est ça, The Transform Matrix. Donc, tout d'abord, laissez-moi vous informer qu'un film sur la vie de Sœur Sourire a été produit. Mm-hmm. On oui. va tous, bien sûr, se régaler. On a hâte de cette histoire de religieuse devenue lesbienne qui s'est ensuite suicidée. À mort à faim. Il doit avoir des rebondissements incroyables. Elle compose une toune, à un moment donné, il me semble aussi. Ouais. Ouais. C'est quoi sa toune, Étienne? Sa populaire? De vieux lesbienne. Sa grande toune, super connue, c'est Dominique. Dominique, ouais. Tape ses nerfs, tout simplement. Donc, la honte... non, plutôt. Ça fait 3 années qu'on fait des visionnements à chaque semaine, et puis ben on est rendu là, on est rendu à la honte. Okay. On va ce soir rire d'un pays d'ailleurs qui tente de faire, non, de refaire les mêmes affaires que nous dans notre bulle nord-américaine de confort. Donc, Indian Terminator Fights the Matrix en version originale, pas de sous-titres. Ça va être le fun. Hein? Ça va me permettre de... Pas de sous-titres? Pas de sous-titres. Ouch. Il est écrit. Le monde a voté pour, si tu veux. OK. Hein? C'est Bollywood. Bravo, on va l'écouter. Ça va me permettre de parler un petit peu de Bollywood, le fait qu'on va écouter un film de Bollywood. On manquera pas notre chance parce que des Bollywood, il n'y en a pas des centaines qu'on est capable de finir, contrairement au fait qu'il y en a des centaines qui ont été finis. La ville phare dans ce mouvement de production, c'est Mumbai. Et le nom Bollywood fait référence à tout le cinéma hindou qui entre dans la lignée et méthode de production similaire à celle du film de ce soir. C'est-à-dire tout le cinéma hindou. Tout. Oui. Tous les cris de l'Inde est le pays ou sous-continent, parce que c'est un sous-continent, pas un pays, qui produit le plus de films au monde. Talonné de près par le Brésil et le Niger, l'Inde fait paraître tout plein de très longs métrages chaque année. C'est ça qui est particulier parce qu'ils en font plein et puis ils sont très longs. C'est 900 que je lisais dans le magazine scientifique. 900? Oui, le magazine science. Bon. Par année environ, en moyenne. Là. Je dis très long et c'est factuel. Là. C'est factuel parce que le Bollywood traditionnel moyen dure de 3h à 3h30. Et il contient immanquablement 7 chansons minimum de 5 minutes chacune. Presque tous les plans possèdent sa fonte de figurants. Et tout le monde partout connaît les mêmes chorégraphies. Tous, bien sûr, attendent le moment de s'y mettre. Moment qui peut arriver en plein milieu d'une chaude discussion, dans la cour d'école, lors d'un combat, chez le dentiste, dans la cage aux lézards, dans une toilette publique. Pour en avoir vu une quantité raisonnable, j'ai constaté que les sexes y sont encore plus stéréotypés qu'au cinéma américain. La fille est un trophée qui chante aigu, le gars est un battant viril. Point. D'ailleurs, rares sont les poils faciaux appartenant à des personnages méchants. La thématique du désir est omniprésente et l'action se passe sur au moins 2 fois plus de lieux qu'au cinéma américain. Au prorata, là, si on visite 10 lieux dans un film américain de 90 minutes, 180 minutes de Bollywood nous fera vivre 40 lieux de tournage différents. Le baiser audiovisuel à pleine bouche est interdit par la loi, ce qui explique les chansons juste au moment où la belle devrait logiquement se faire goûter la luette. Le plagiat, il y est de choses fréquentes, comme dans l'adage qui dit que l'imitation est la plus pure forme de flatterie. Il aime bien mieux refaire des Terminators, qu'il n'y a personne qui semblera ce goût humain dedans, que de passer le Terminator sur les écrans. Finalement, et vous l'avoir en pleine face à soi, les méthodes de production et de distribution font que rares sont les copies de Bollywood qui se rendent intactes à nos écrans. On va écouter ce soir une version découpée tirée du DVD original, achetée via le net, puis convertie en fichier accessible depuis n'importe quel ordinateur. Le grichement qui revient est le résultat du DVD frottant dans le fond de son boîtier pendant 6 à 8 semaines. On a eu beaucoup de plaisir. Il y a tout dans ce film-là. On va y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va aller écouter une charmante chanson qui va s'appeler Silver Jews. Bright Fight. Ça, c'est l'album. Ça sonne bien. Mais la toune, c'est Tennis. Non, je parlais de t'écouter parler. Ah, ça, c'est cool. Puis on revient après ça avec la chronique de Pretch. Parce que sinon, il manque de quoi. À 70%. Ah, il y a un Bollywood. Ashok. And remember, no hard drinks. No hard drinks. Ça, c'est parce qu'il était colonisé avant. I saw the river playing in the valley, rushing round a bend and skipping stones. I saw the meadow wobble in the moonlight. I've come to get my girl and take her home. Her doorbell plays a bar of Stephen Foster. Her sister never left, and look what it cost her. We're gonna live in Nashville, and I'll make a career out of writing sad songs and getting paid by the tear. Marry me and leave Kentucky, come to Tennessee. You're the only ten I see. You're the only ten I see. I've looked through offices and honky-tonks for men and enough to be. Punk rock died when the first kid said, punk's not dead, punk's not dead. You know Louisville is death. We've got to up and move, because the dead do not improve. Goodbye, users and suckers, and steady bad luckers. We're off to the land of club soda unbridled. We're off to the land of hot middle-aged women. Off to the land whose blood runneth orange. Marry me and leave Kentucky and come to Tennessee. You're the only Tennessee. You're the only ten I see. I've looked through offices and honky-tonks for men, men enough to be. Mr. and Mrs. Tennessee. Mr. and Mrs. Tennessee. Décide de prendre le taxi. Ça vient de vous coûter, à vous et à moi, 125$ pour qu'elle retourne chez eux, alors qu'à 22$, elle aurait pu y retourner. Je m'excuse, mais il va falloir que ça arrête. Parce que moi, quand mon char est pété, là, je marche. Qui c'est qui paye mon ticket? Bonne question. Bon. Oui. Je voulais juste dire de quoi vite vite avant que Predge pète sa coche. Dépêche-toi, là. Par compassion, amour, respect, solidarité envers Haïti. Tout au long de ma vie, j'ai remarqué que beaucoup de gens, que Haïti et Hawaï avaient un peu le même syndrome que la Suède et la Suisse, hein, c'est que les gens qui ont peu de connaissances géographiques les mélangent. Alors, je voulais conseiller aux gens de quand, tu sais, bon, quelqu'un, là, qui sait pas trop il est où, il veut faire un don, mais faites attention de pas donner à Hawaï. Ils sont corrects pour l'instant. Ah, mais là... C'est bon à savoir. Alors, pour, c'est ça là, donc respect, compassion, solidarité, je vous ai sorti quelques dumb laws, les lois stupides de Hawaï, pour être sûr que vous ne mélangiez pas. Deux, ben, ben vite là, sont super drôles en plus. Alors, tout résident ne possédant pas de bateau peut être possible d'amende. Ben voyons. À Hawaï, oui. Ouais. Ah, oui. Bon. C'est bon à savoir. Hawaï ou à Haïti? Hawaï. La police s'en vient. Non, c'est juste pour faire ça. Il est où le bateau? Ah, c'est bon. Oui, oui. À Haïti, les lois sont plus cruelles que ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tout résident ne me donnant pas tout son cash. À Haïti, il n'est pas permis de placer de pièces de monnaie dans les oreilles de quelqu'un d'autre. Tandis qu'à Haïti, en ce moment, c'est contrairement conseillé. Alors, voilà, c'est tout. Ah, on ne peut pas faire le tour de magie là, qu'on dit « Oh, l'argent est dans ton oreille, là, tu peux te faire arrêter. » C'est justement à cause d'une bad luck reliée à ça que la loi est passée. Voilà qui est bon à savoir. Ils ont juré que ça arriverait jamais. Hey, vous direz pas que j'avais pas prévenu, là. Je vous l'avais dit que j'avais des contacts pis qu'il fallait pas me faire chier. Je suis plein de ressources pour vous faire payer les insultes que je reçois par email chaque semaine. Voyez ce qui est arrivé à Haïti? Ben, c'est ça. Si vous voulez pas que ça arrive, c'est aussi, là, sacrez-moi patience. À force de me pousser pour que je ferme ma gueule, je taboute pis je réponds pis de moi vierge. Vous pouvez pas laisser le choix, là. J'ai dû demander à Dieu de faire de quoi pour ramener la réalité, là. Ça fait deux fois, c'est que vous me forcez à faire de la discipline. La dernière fois, c'était à Nouvelle-Orléans. Là, c'est Haïti qui paye, là. J'ai même pas eu à négocier avec Dieu. Et si, il m'en avait une. Il était plus capable d'entendre la calisse de phrase. Avez-vous vu le nouveau Batman? Le Joker, il était coeur, hein? Fait qu'il m'a demandé d'y régler la cause à Heath Ledger. Ce que j'ai fait avec un grand dévouement. Après l'avoir drogué jusqu'à l'overdose, j'ai même violé son cadavre pour tout fucker l'enquête policière. Puis j'ai laissé traîner Bobette des Sœurs Olsen pour semer le doute. Ah, bon gras, bon gras. Là, je vous entends d'ici, là. Check-moi le prétentieux qui prend le tremblement de terre d'Haïti sur son dos. Il se prend pour qui? Je me prends pour Simon Pritch, tabarnak! Je suis pas n'importe qui, moi, là. J'ai chanté pour la reine d'Angleterre. J'ai déjà eu Grégoire Charles comme chauffeur privé. Puis je mange de la chair de fesses d'enfant pour souper. Dieu, là, c'est mon chami. Qui se ressemble, ça sort, bestie. C'est une évidence évidente. La preuve, venez voir sur mon Facebook, je suis amé avec Dieu le Père. Rendu là, si avez-vous vraiment besoin d'autres preuves? Voyons donc, tout le monde sait que l'amitié, si, c'est est plus ce qu'elle était, sauf à moins d'être connecté sur Facebook à la marde. Fait que là, tenez-vous là pour dire, je suis prête à tout pour caler, si, puis vous enfouer sous la morve cataclysmique, puis je vous promets que j'irai pas avec le dos de la main morte. Ah, puis Facebook, si, ouais, hey, c'est une autre affaire, ça. Arrêtez de m'envoyer des calices de niaiseries, de cossins, d'astis, de gossages, de partes, de tats, de bois, de bébelles, ultra superflu de marde, de sacrament de fardoche, de fraternité policière, de fracteurs. Et hier, on m'a encore envoyé un de ces fœtus de connards qui me rend violent. Ça disait, Myriam Bédard vous envoie un toutou de lapin. Voulez-vous le flatter? Oui? Non? Unfriend! Fait que vous disiez bien que j'ai retiré son compte en cliquant sur Unfriend. Asti, je t'aboute, Chris. Unfriend. Asti, c'est un moulin rendu dans le dictionnaire, sacrément. Unfriend! Quand c'est ça, c'est clair que c'est la fin du monde là, qui arrive. Le même Paris Hilton est dans le dictionnaire. Non, mais quelle société de merde! Qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Des crises de mollusques, crémouilles. Hey, puis j'aimerais ça clarifier un point avec les matantes Gertrude pis les mononcles Fernand de ce monde, là. Si le chapeau vous fait, là, étouffez mettez-vous dedans. Tu sais, le réchauffement planétaire qui fait rage au canal Savoir. On va mettre de quoi au clair, là. Ça veut pas dire qu'on va soudainement, qu'il va soudainement faire plus chaud, esti. Ça veut dire qu'il va y avoir des dérèglements climatiques, sacrément. Ça me dérange pas que de réchauffement. J'ai l'air climatisé à la maison. Pis, c'est pas parce qu'il y a des glyphos en Afrique que je vais m'arrêter d'acheter des gratuits. Voyons, des coups que je gagne. Calisse, esti. Check ce qui se passe en Floride, là. Nos touristes québécois sont en train de se geler le gros cul. Tu vois bien que t'es dans le chasse, tu te farfadais. Réveille pis éternue du sable ou de vierge. M'a t'enterré de fumier, esti. M'a te chipé en Yougoslavie si t'arrêtes pas de ralentir la file d'attente au Dollarama. Esti, y a des affaires pas mal plus graves qui se passent en ce moment pis pas mal plus proches qu'on le pense. Et j'ai nommé les hosties de moquettes coquettes putrides, là. Ah. Voyons! Ah. Esti, ils ont commencé à chaque FM, ces gouines-là. Je le sais parce que j'ai dû coucher avec eux autres pour me faire une place au sein du poste de radio que vous écoutez présentement. Je le sais qu'ils ont l'air d'une bande de lesbiennes, là, mais détrompez-vous, c'est même de sacrés cochonnes. C'est bon, peut-être à cause, à part la grosse pis la butch, là, mais c'est tout. Mais esti, ils ont quitté chaque FM avant que je puisse rentrer dans les studios, fait que j'ai, Chris, esti, j'ai fallu que je me tape Tommy. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons plutôt à nos pétasses ou à nos moutons, dépendamment de vos habitudes sexuelles au lit. Maudite gang de grenasses, groupies, innocentes, vous êtes pas drôles! Esti, c'est l'idée de qui, ça, sacrament? Si vous le savez, je vous invite à nous appeler en studio au 987-3000, poste 1610, pour nous donner un nom puis une adresse pour que j'aille lui arracher les yeux, lui faire un lavement, une lobotomie avec une ouvre-boîte, pis si ça tombe de ses parents, voyons donc, tu me feras pas croire que le coupable a déjà écouté une émission complète, là. Alors, en conclusion, si vous êtes d'humeur à avaler des résidus épidermiques anal, de vous faire fondre la cervelle au micro-ondes, ou tout simplement de vous faire enculer au pied du mur, écoutez religieusement l'émission des moquettes coquettes à Télé-Québec, ça vous épargner énormément de branle-bas de congrats. Si, pis pour Haïti, ben, calmez-vous, ça va passer. Envoyez pas trop d'argent là-bas, le gouvernement québécois vient de débloquer 3 millions pour l'aide humanitaire, pis cet argent-là, ben, c'est le nôtre, ok? Fait que considérez donc qu'on l'a fait, notre don aux démunis, là. On le fait tous les jours en payant des calices de taxes pour nos BS pis la résidence de personnes âgées qu'on appelle le Parlement. Si, pis de toute façon, Bono de YouTube va sûrement aller se montrer en face d'un décombre, là, pis tout l'Haïti sera sauvé et prospère à nouveau. Le bonheur sera de retour. Des singes tout nus, des fleurs, des clowns, de la magie. Bono de YouTube est un héros international. Sa technique, être là et dire « Ne tirez pas, je suis une célébrité. » Vive Bono, vive sa prétention, sauveteur héroïque des victimes de ce monde. Et vive son hostie de face de cul que j'aurais le goût de mettre dans un broyeur à déchets. Merci YouTube pour l'accélération de ma digestion. Bonne soirée. Surplus d'humidité sur le micro de Simon Pred. On se ramasse tout le temps qu'on sait pas trop à quoi passer. T'es con. Ça fait toujours du bien. J'apprécie beaucoup ce moment-là. Étienne, veux-tu nous en sortir une petite tranche? Ben oui donc, là, on était rendu dans notre tour de table à Evelyne Potvin-Cloutier. Dis-moi là une partie du corps de ton choix. Les aisselles. Ah, les aisselles. Pas les aisselles. J'en ai pas de tonne d'aisselles. Ah! C'était ça ou les derrières de genoux, mais ça avait déjà été dit, les genoux. Les genoux étaient dit. Non, les bras. Bras, ça te va-tu, toi? Bras? Il y a aisselle et coude. Aisselle et coude, ça fait partie bon. Le cou. Le cou, ça, j'en la ai. La nuque, ouais. Genre, tu sais, une cochonne. Ouais, check bien, j'en ai une tonne de coups. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Je triche un peu. Non, mais c'est une image de prendre un coup et avoir du fun avec. C'est vraiment, ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pensez-y ce soir en étranglant votre conjointe. J'aime le jambon et la saucisse. C'est pas que Tommy se bat pas. J'aime le jambon, c'est bon. Ça va bien, Tommy. Moi, je prends un coup et toi, tu aimes le jambon. C'est ça. Tommy s'est réveillé à l'arrêt du concert tout de suite. Bon, on l'entend pas, mais Tommy danse en ce moment. Ah ouais, il est très fier. C'est bon. Alors, remets ton t-shirt, Tommy, s'il te plaît. On en garde ton linge. Prendre un petit coup, c'est doux. Prendre un petit coup, ça rend l'esprit malade. Là, il part encore de jambon. Prendre un petit coup, Non, c'est fini, là. Ah, ben, là, on va passer à une autre. On passe à d'autres choses. Israël. Donc, j'aimerais quelque chose de plus interne, moi. Le cerveau, ça se peut-tu? Ou le cerveau, l'estomac? J'ai ni cerveau ni estomac. Je peux te parler d'une. Je peux te partir une toune de pancréas, si tu veux. Ah! C'est pas vraiment de la cochonnerie en tant que telle. C'est une toune de Weird Al Yankovic sur son dernier album. Dernier album qui était pas super bon. Ah non, il y avait ses bons moments. Il y a des bons moments, mais. Il y a Trapped in the Drive-Thru. Ouais, ouais. Pour mettre de bonne humeur après la diatribe de Predge. Qu'est-ce que t'as dit? I'm always thinking about it. I don't know what I'd do without it. I love, I really love my pancreas. Voilà ben, une chanson utile. Non, mais qu'il l'a trouvé encore utile. Voilà. Mieux que je puisse faire côté organe interne. C'est quand même pas super. Tommy, t'aurais pas une partie du corps que t'aimerais entendre une chanson de? Juste question qu'on arrête ça. Attends un peu. Ça a l'air d'être surtout les poils, les cheveux. Les cheveux, j'en ai une de cheveux qui est très, très célèbre. C'est Claude Valade qui nous chante ceci. C'est très tendre. Après avoir parlé de jambon. Choc FM. Mets ta main dans mes cheveux. Mets ta main dans mes cheveux. Ça, c'est supposé être dans un murmure. C'est le titre de parle-moi dans un mur, mais c'est le disque qui sautait. Claude Valade, c'était avant qu'elle devienne super tripeuse chrétienne. Moi, j'aime mieux sa tune justement. Quelle couleur est la peau de Dieu? Ouais, ça, ouais. Ça fait mal. C'est un aigle? Non, finalement, il y a toutes les couleurs du monde mélangées. Nous sommes tous égaux dans les regards de Dieu. C'est ça. Ah, ok. Ah, c'était ça, la toune. Ben, ouais. Comme, Dieu, il est comme une tache d'huile dans l'eau. Voilà. Donc ça, c'est les cheveux. C'est dalle un peu. Predge, sors-nous de là. Voilà, on est bien sentis. Peut-être la voix, les cordes pendant ce temps-là, là. Je l'arrête. OK. Ah, tu sais, genre, la tasse. Ah, ben, ouais, ça aurait pu. Mais moi, il y a une autre toune de poil que j'aimerais entendre, en fait. Vas-y donc. Il y a Fardoche qui chante « J'ai du poil ». Est-ce que t'as ça? Oui, je pense que je l'ai, ça. C'est juste pour me faire plaisir. Je l'aime, celle-là. Moi, j'écoute ça quand je prends mon bain. Un instant. Le savon, les petites boules de bain. Bon, mais là, j'écoute Fardoche. T'as du poil en dessous des bras. Ça joue un peu l'aisselle ici, en fait. Poil aux jambes. T'as du poil au-dessus des yeux. J'ai du poil aux joues. T'as du poil en dessous du nez. J'ai du poil aux bras. T'as du poil en dessous des bras. J'ai du poil aux jambes. T'as du poil au-dessus des yeux. J'ai du poil aux joues. T'as du poil en dessous du nez. Tu t'en vas chez le... Barbier! Ben, je voudrais pas briser la glace, mais je suis sûr qu'il faut le dire. Fait qu'il y en a-tu une de tennis? J'en ai une, puis je suis content que tu me parles de ça, justement. Parce que c'est une nouveauté de Roland Godette, le père de Tommy. J'osais pas le demander tantôt, j'avais peur de passer pour une moquette coquette. Ah ben, tu vois, fallait se fier sur Israël, lui, il ose. Roland Godette et sa famille qui nous avaient donné la fameuse chanson « À la santé de nos deux, nos un, mon vieux ». Eh bien là, nous en donne un autre. Qui nous parle pas directement de pénis, la santé mais de nos queues. On sent qu'il y a la santé de nos queues. Non, c'est moins clair que ça, mais on sent que c'est ça que ça parle quand même subtilement. Ça s'appelle Voulez-vous jouer avec moi? Oh. Vous allez voir, c'est subtil. C'est une belle godette. Eh oui, c'est une godette. J'ai une petite affaire, puis je voudrais m'en servir. Je ne sais pas comment faire, voulez-vous bien me dire? Mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? C'est subtil, c'est fin, c'est du monde derrière. Je ne sais pas comment faire, voulez-vous bien me dire? C'est sur ces chansons cochonnes, si vous me le montrez. Non, c'est sûr, un party ben le fun, volume 1. C'est le même album que l'arithmétique. Mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? voilà. Ailes, répondez avec moi. Voulez-vous jouer avec moi? J'en vois de tous les côtés. Pas rien de on se demande qu'est-ce que tu faisais pendant que tu enregistrais. Je me suis laissé emporter par les paroles. J'étais avec non, ta femme. Moi, ce que je trouve le fun, c'est quand ils transfèrent des vinyles, si elle, ça saute, il fuck ou il l'accroche, il abandonne. Ça. C'est comme ça que ça fait. Ça dépend des fois. Des fois, j'essaye, mais là, ce coup-là, tu sais, quand il y a une scratch sur le disque, C'est la vie. Ça fait plus authentique. Il n'y a pas ça avec les CD. Ça, c'est vrai. C'est vrai. CD, ça fait gaga. C'est moins cool. On parlait de sex appeal. Evelyne Potvin-Cloutier, tu voulais nous entretenir sur quoi faisant suite à. C'est un peu gentil comme ça. C'est du lien. Oui, non, religion, là, oui, tout ça, tout ce mélange, là, on fait plein de liens dans la vie, on se sent de plus en plus proche de l'apocalypse, en tout cas, moi, je sais pas vous. Ah ouais, moi, je suis. Je suis tombée sur un article comme ça de Roderick C. Meredith, qui est le fondateur de l'église évangéliste de Living Church of God. Mm-hmm. J'ai pas réussi à trouver quand le texte est écrit, mais je pense que c'est après 1999, donc à l'aube de ce merveilleux millénaire. Ouais, millénarisme. Mais là, tu viens-tu de passer du pénis à la religion, toi, là? Je trouve que c'est tout naturel. C'est un maudit beau lien, moi, je trouve. Je trouve que tu sautes du coq à l'âme. Oh! Merci, bonsoir. Oh! Semblé, il est à l'extérieur des studios. Ouais, je quitte. Salut. Hey, mais là, je suis vraiment toute... À des rails. Sors la donc, moquette c'est ça, coquette de toi. L'article en question traite des 7 raisons pourquoi le Christ doit, en lettres majuscules, revenir. Pourquoi c'est sûr qu'il va revenir. Bon. C'est complètement hallucinant, tous les liens qu'on peut faire avec... même aujourd'hui, même lui, quand il a écrit ça, je pense qu'il pensait que c'était pour se faire dans les semaines qui allaient suivre, là, tu sais. Finalement, c'est une nouvelle de ça. On en a. Première raison. L'homme est capable d'un cosmocide. Oui. Alors ici, on mélange science, politique et foi pour ajouter à la crédibilité. Le président Dwight Eisenhower déclarait il y a, dans les années 50, « Il semblerait que la science soit maintenant capable de nous conférer comme cadeau ultime la puissance d'anéantir la vie humaine de cette planète. » Wow. Quelques décennies auparavant, c'était pas possible. Alors, en effet, à cause de ceux qui se sont sincèrement soumis à Dieu et qui sont conduits par le Saint-Esprit, Dieu interviendra à cause des élus. Donc ça, c'est une raison clé de pourquoi Dieu doit revenir. Ben la première. Ça a bien de l'allure, là. Ça, hein? Ça suit. Deuxième raison, une sécheresse et une famine sans précédent. On dit ici, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Oui, parce que ça, c'est jamais arrivé avant. Là. Mais moi, j'ai faim, en tout cas. C'est, hein, on sent... Hein, on voit que... Hein? Fait que là, mettons, parce qu'il y a des sécheresses puis des famines, là, c'est des reprenant. Raisons pour lesquelles... La raison prend... numéro 2. Ouais. Oui, ça, c'est la numéro 2. Ouais. Alors là, il dit... Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Et moi. Oui, oui. Et moi, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Et malgré cela, vous n'êtes pas venu à moi, dit l'Éternel. Ben, tu sais. Oh, oui, il dit ça. Je sais pas pourquoi. T'avais juste à nager dans la fosse à purin. Dans la deuxième, moi. Voyons donc. Et puis, c'est pas pire. Celui qui ne possède pas encore la clé essentielle pour comprendre notre identité. Peut nous écrire, là, il dit, c'est, je vous ai donné son nom tantôt, là, vous allez voir le reste sur mondededemain.com. Mais le roman, La Clé, n'était pas encore sorti non plus. Hein. Je suis pas au courant. Alors, vous pouvez leur écrire afin de recevoir gratuitement un exemplaire de leur brochure, intitulé « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Cette brochure explique qui nous sommes d'après la Bible et quelle sera la destinée de nos peuples. Vous aurez vraiment besoin de cette brochure pour comprendre les prophéties qui affecteront directement l'Amérique et les peuples anglo-saxons dans un très proche avenir. Bon, ça laisse sous-entendre que quand même, il ne se passe pas la même affaire dans les autres continents, mais en tout cas... Ou si on ne parle pas anglais. Ouais. Exactement. Jésus, ouais, non, il revient juste d'un pays anglais. Troisième raison, je vais me grouiller en sept. Troisième raison, des horribles épidémies. Ah non! Est-ce que c'est comme d'actualité? Comme par exemple le H1N1? Comme par exemple? C'est vrai, hein? C'est mais il y a aussi autre chose. Il y aura, on le répète, de grands tremblements de terre. Oui. Encore. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Oh non, pas des pestes. Parce que c'est sûr que suivant un tremblement de terre qui décime une population, souvent, les y a maladies des famines. Et la faim ne sont pas susceptibles de se produire. Non, c'est vraiment des juste des privations en masse, des épidémies, proportions jamais atteintes, blablabla. La réponse est simple, on nous le dit. Lorsque l'eau et les aliments sont pollués, ce qui est inhérent au déroulement des prophéties sur la sécheresse et les famines mondiales, des épidémies se déclenchent toujours très rapidement. Mais voilà. Voilà, c'est ça, c'est une plaie. 1 plus 1 égale 3. C'est simple. Ouais. Ah oui, on dit aussi ces plaies des temps de la faim, oui, affecteront bien sûr toute la terre et non seulement Israël. Ah. Hein? C'est bon à savoir. Israël, t'es pas le seul à puer comme lui. On va tout faire la joke du manchot sans arrêt, man, c'est ça l'enfer. Sauf qu'en plus, on va être manchot pour de vrai. Numéro 4. Encore de grands tremblements de terre, des ouragans, des bouleversements météorologiques. Les ouragans. Écoute, ouais, à chaque point, on rajoute un cataclysme. C'est même, ça, en c'est renommant ça. Les autres. C'est comme ça. Un jeu. Exactement. C'est comme les autres sans mériton. Les avoir oubliés. À la septième jour. Je fais l'apocalypse. J'amène un ouragan. Quand je fais l'apocalypse, je mets dans. Comment qu'on peut faire? Un ouragan. Mais là, attends un peu, on est rendu au 4. Ça en fait 3 sur 4 que c'est des affaires négatives là, qui se passent. T'as remarqué? Ben, c'est toujours ça. Ouais. Hein? Dieu, il y a maintenant, on skip-tu le 5 pour aller au 6? Le numéro 5... Ah oui, le numéro 5, c'est pire que tout. Mais attends, Ah oui, c'est pire que tout, le numéro 5, c'est l'aggravation des douleurs et de la terreur. Parce que on s'en doute pas que suite à de graves tremblements de terre, des famines, des épidémies, des la ouragans, peste, des ouragans... Des apocalypses. La douleur va devenir plus grave. Voilà, voilà. Ça va faire plus mal. Ah oui, dans le numéro 4 aussi, il disait... Moi, ça m'a fait un petit tilt, là. À cause de leur rébellion contre Dieu et ses lois physiques, spirituelles, les hommes auront besoin d'être littéralement secoués. Les îles seront remuées de leur place. Dieu, il dit ça, blablabla. Ben. J'ai lu dans la presse.ca l'autre jour que Haïti... La suite de leur malheur pourrait être due à un pacte avec le diable qu'ils auraient fait pour se séparer de la France. En 1799, comme tu disais plus tôt. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu un gars Qui d'abord, disait, ça mais il faut pas oublier que Haïti, c'est un pays qui a fait un pacte avec le diable. J'annule mes dons. Donc, c'est à cause de leur rébellion contre Dieu et contre ses lois physiques et spirituelles. Ça le dit juste ici, dans la loi numéro 4. Quand tu te rébelles contre les lois physiques. Les grands tremblements de terre, voilà. Moi, la gravité, là, je t'écris. Donc, la gravation de la terre... Je suis avec toi, pas une coalition. Même. Mettons que le pays fait un pacte avec le diable, c'est quoi qui se passe? Est-ce que l'âme du pays s'en va en enfer quand que le pays meurt? Non, ils viennent s'installer à Montréal, dans un certain quartier que je vais pas nommer. Non, mais sinon, c'est quoi? C'est que les gens du pays ont signé là, puis c'est eux autres qui font un pacte, c'est pas... Non, le pays, c'est le pays. Ils ont été élus par Dieu, ils reconnaissent en esti les gouvernements placés, là, je veux dire... Et numéro 5. Dieu, il est avec le roi et la femme. Alors, l'aggravation des douleurs et de la terreur, ça prend plein de formes, ça. Il y a l'usage de la drogue, le suicide chez les jeunes. Ah non. Et on dit ici que si les 10 commandements étaient appliqués, ils libéreraient l'humanité de la guerre, du crime, du divorce, de l'ivrognerie, des drogues, de l'assistanat. De l'assistanat? Oui, ça devait être assassinat, mais scramblé. Ou les gens qui sont assistés. Moi, je pense que c'est les maudits assistés sociaux. Et de la plupart des tensions mentales, émotionnelles et de culpabilité. Voilà. Si tu appliquais 10 commandements, tu te sentirais bien moins coupable. Puis passe donc à... C'est quoi, là, on est rendu au 7? Je ne serais pas un Claude. Plus avoir d'enfants. 6. Vieillissement de la population. 6, c'est pas mal, pas pire. C'est, la sixième raison, c'est que le dernier espoir de paix des hommes a échoué. Et voilà. Quel était ce dernier espoir? Obama. C'était la conférence des Nations Unies tenue à San Francisco au printemps de 1945 en vue de former une entité politique internationale pour sauvegarder c'était l'ONU. La paix. C'était de faire l'ONU. C'est ça. Ça n'a pas marché. Donc, à l'ouverture de la conférence, le général sud-africain Jan Smuts déclara « Si San Francisco échoue, je n'entrevois rien d'autre qu'un désastre complet devant l'humanité. » Et voilà. Il n'est pas exagéré de dire, déclara Anthony Eden, on se fie à ses paroles. Mais il venait du jardin, probablement. Oui, c'est ça, je pense. Que l'œuvre que nous commençons à mettre en place ici pourrait être la dernière chance du monde. Ah, donc voilà, ça a été dit. Vous en souvenez-vous? Ah oui. C'est la dernière chance. Par exemple, je me rappelle de Copenhague, qu'on disait la même affaire. Ouais. C'est peut-être la dernière chance qu'on s'entende. Ça a foiré. On est dans marre. C'est parce que le problème, c'est que... tu sais rien que c'est la dernière, un coup que c'est fini, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est dur de caler la dernière à la Exactement, tu sais, c'est... À moins qu'ils soient un 4 de 7, là. C'est ça. On peut-tu caler à l'avance, tu sais, j'aimerais ça savoir. 3, ouais, c'est bon, fait ça. Que le dernier, on est rendu? Non, mais n'oublions pas avant tout que la nature humaine est fondamentalement méchante, rancunière, concurrentielle et égoïste. C'est vrai. T'es mal foutu ben là, quand t'as tout ça dans la 7e raison, j'ai fini, Tommy, ta douleur achève. Le Christ a promis de revenir. Ah bon? OK? Fait que ça devrait être la seule raison. Il a promis de revenir. Ouais. Et je vous laisse sur ses paroles. Les vainqueurs, OK? Donc, il dit, « Il sera donné aux saints fidèles de dominer ici-bas sur les nations physiques de cette terre. Les vainqueurs sont ceux qui ont été obéissants au Christ et ceux qui vivent par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, il leur sera donné à eux de mener blabla. Et au commencement du millénium, elles auront besoin d'être gouvernées avec une... verge de fer. Oh, on le dit. Jusqu'à ce qu'elle soit capable d'admettre le mode de vie divin basé sur les 10 commandements. Voilà, les 10 commandements, c'est la raison voilà. de notre vie. Ça va nous sauver. Le Christ va revenir. Tremblement de terre. Bien. On va écouter ici une chanson tirée directement du film. Merci beaucoup, Evelyne Potvin-Cloutier. Ça m'a vraiment fait chier. On écoute une chanson tirée de Indian Terminator Fight the Matrix. Les filles ont vraiment des grosses mamelles. Celle-là, je ne rentre pas sans faire. Ouais, ah, toutes les gars sont rendus d'autre bord. Roop salona tera, dekh ke hai, dil mera na raje. रूप सलोना तेरा देख के हाय दिल मेरा न रजे कहाँ चली है ओ कुड़िये कल मिलेंगी किन्ने बच्चे ग्यारह बजे या बारह बजे ग्यारह बजे या बारह बजे ग्यारह बजे या बारह बजे रूप सलोना तेरा देख के हाय दिल तेरा न रजे रूप सलोना तेरा देख के हाय दिल तेरा न C'est du bien, hein? Ben, ils sont forts, ces chansons à répondre, mettons. T'sais. On n'a pas de monopole, je suis content de voir ça. Non. Donc, Indian Terminator meets The Matrix, ça, c'est la chanson qui se passe dans la salle de bal et qui se termine dans la ruelle. dans l'univers des douteux-logues, Bollywood est considéré comme une mode. Je me souviens quand je parlais de films douteux avec des non-initiés vers la fin des années 90, les gens répondaient psychotronique. Psychotronique? Ah ouais, là, t'écoutes des affaires psychotroniques. Psychotronique, c'est pas ça, c'est de l'absurde volontaire avec du sang trop pour rien, puis le monde, ils ont vraiment plus de constitution, là. Tout le monde devient friable. Ben, comme la série Trauma de films d'horreur. Ouais, ben, c'est comme dans L'incroyable homme qui fond. Voilà. Et puis après ça, disons de 2000 à 2005 environ, c'était Bollywood qui revenait comme première réponse dès que je parlais de ces affaires-là. De nos jours, les gens y répondent « Ah, total crap! » Et puis, ben, j'ai bon espoir que le doute sera la prochaine réponse. Peu importe, Bollywood, c'est une mode, selon nous. Il y en a plein, c'est tout pareil. Il y en a qui sont plus douloureux que d'autres. Sinon, ben, c'est gentil. Si t'aimes les tunes, écoute. Moi, je vais me taper ses nerfs mourir, là, mais bon. Moi, je fais mon ménage en écoutant les grands succès de Bollywood. Voilà. Donc, on va revenir au film de ce soir. Indian Terminator Fights the Matrix. Un gars est amoureux d'une fille. Le gars est fort. Un dieu choqué tue la fille et en fait un fantôme. Il tue la fille en manipulant d'autres personnes. Et puis, le gars qui fait de la magie, qui est fort... se frustre et décide de tuer la blonde du gars qui était le bras vengeur du dieu frustré. Oups. Et puis à partir de là, il y a comme une chicane de ses personnels entre deux gars, là, pis t'sais, c'est ça. ou à peu près, ça. De toute façon, on va rien comprendre d'un bout à l'autre, outre quelque chose que notre déduction va nous permettre d'accéder. Comme hard drinks. Voilà. Ou quelques mots laissés par le colonialisme anglais comme hard drinks. Côté fontaine à question, chaque séquence renferme sa dose de choses à regretter de la part de l'équipe de production. Un munch par un serpent, mesdames, messieurs. Le serpent va muncher le moustachu. Le moustachu qui était fort, mais pas assez pour le serpent. La poursuite finale de plus de 20 minutes. C'est malade, là. Ils s'en vont en bateau. Après ça, il y en a un qui court sur l'eau, puis l'autre en sidou à côté. Là, ils sautent dessus, ils tombent dans l'eau. Ils arrivent à la plage, finissent à coups. Hey, non, mais pas de spoiler. Oh. No spoilers, <C'est> please. Et puis, il y a bien sûr la séquence que tout le monde a vue sur Internet du gars qui se lance en bas du building en s'accrochant vers le fil de téléphone. En somme, une kyrielle d'effets spéciaux tirés de toutes sortes de sources qui titilleront vos mémoires dans l'avenir. Il y a des coupures parce que le montage découpé et proposé par David nous mène à 135 minutes sur les 192 du départ. En le réécoutant hier, j'ai trouvé quelques autres bouts qui pourront être fast-forwardés live ou juste skippés pour ramener le tout à un total de 95 minutes, qui est très digérable, beaucoup plus endurable et... Ben, c'est sûr qu'on comprend rien si t'enlèves 100 minutes. Hein. Enlève 100 minutes à un film d'ici, ouais. Oh, ben, là, ouais. J'ai d'autres défis à relever. En somme, et pour une des rares fois que ça va arriver, on écoute du Bollywood à douteux.org, un Bollywood exactement comme les autres, mais découpé pour le rendre en quelque chose de... Le premier d'une courte lignée, on espère. Oui, ben peut-être. Mais c'est le seul moins 9 qu'on a trouvé, puis en plus, au départ, c'est moins 6.5, parce qu'il y a plein de bouts de coton, puis de monde qui sont dans un char avec des cheveux au vent, puis du ralenti, puis... Tu sais, les vraies affaires qui amènent le monde aux vraies places, qui touchent les vraies personnes, des vraies manières, avec les vraies affaires. On était rendu après ça, c'était Israël, tu voulais nous annoncer ton retour. Oui, car dès la semaine prochaine ou l'autre d'après, je vais commencer ma nouvelle chronique. Mis à part le fait que le Whopper de Burger King a mis 7 boulettes pour la sortie de Windows 7. C'est vrai ça. Oh my God. Ça me rappelle le bon temps de Windows 95. Et voilà. J'aurai une nouvelle chronique qui s'appellera tout à fait le courrier de Israël. J'ai ressorti de ma garde-robe 125 lettres pliées en coin de mon secondaire. Des lettres parfois écrites avec le sang d'une gothique. Parfois pour me dire que les filles avaient de la peine. Ou juste parce que c'était la Saint-Valentin puis que j'en recevais une dans mon cours. Des lettres pleines d'émotions, du genre « je trippe sur Kevin », mais je sais pas comment y dire. Mon prof de maths est plate. Fait que c'est ça, je vais vous lire ça à chaque semaine. Je vais en lire genre 2-3 de la shot, ça dépend comment il y a de Mais je vous invite aussi à me faire parvenir vos lettres de secondaire. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui en ont gardé. Moi, j'en ai plein chez nous. Si tu peux trouver des perles rares, je vais les lire. C'est parce qu'il n'y a pas juste mon passé qui est juteux. Surtout au secondaire, l'époque où ce que ta vie là, elle brasse en tabarnak. Au secondaire, c'est là que tu as le plus raison de toute ta vie. 3 heures à rush. T'as tout compris quand t'as 15 ans. Là, je rush, là, j'étais dans mon cours, j'ai fumé un bat à midi. Ah non, c'était des puffs à la pipe dans le temps, c'est sûr. C'était le bon temps. Ben. Et voilà. Fait que, ben, merci beaucoup. Ça va être génial. Non, c'est ça. Si vous pas de jalousie, sinon, vous pouvez l'amener aux soirées du douteux, vos lettres de secondaire. Sinon, les faire parvenir au 3826 Henri Julien, H2W2K2 à Montréal. On apprend des notes, hein? Ouais, prends des notes à la maison. 3826 Henri Julien, Montréal, Québec. Là, tu commences ça la semaine prochaine. Les scanner et les envoyer à... Israël Trudel Denis à commercial hotmail.com. Non, mais c'est ça, les scanner, c'est une excellente idée aussi. Là, j'en mange. S'il y a un acrostiche dedans ou bien des becs au chocolat ou un prof de maths vraiment trop con. Un soleil dans le coin. Soleil dans le coin. Un dessin de South Park mal chié. Si elle est pliée de façon artistique aussi, on ouais, dit ça. Ben, dedans mon sac de lettres, j'ai trouvé une chemise. Ouais, c'est fait comme une chemise. Ouais, avec une cravate puis tout. Ils se donnaient la peine, les petites filles. Hey, on dit ça... Comment dire, on se rapprochait tranquillement trop de la pertinence. Fait que, ouais, non, c'est ça. Ça va drifter. Et voilà. Forêt, plug-nous une ou deux tounes, là, puis après ça, il va avoir notre ami Bruno qui va faire ses deux nouvelles. Mais je vais en mettre une pour moi-même, là, une partie du corps que personne n'a pensé parce qu'il est un peu générique. Le visage est une partie du corps. Et j'en profite pour plugger un peu de Frédéric de Grandpré parce que ça fait toujours du bien. T'es mon petit papa. Du verre pour l'amour. C'est qui, les âges? Il fait des musiques jazz. C'est ce que j'aimerais. C'est pour un nom cheap. Et ça, officiellement, c'est une tour de Jean-Bré à faire le change de matin. Frédéric des Grandpuits, là, c'est de la barbe à papa qui a trouvé une conscience et qui s'est rendu compte qu'il y avait un talent pour parler sensuellement des chansons. Ouais. J'ai dit ça à ma cousine Audrey, encore une fois, comme à chaque fois. Salut Audrey! Je suis sûr qu'elle nous écoute assidûment. Elle était un peu traumatisée à son passage ici. On parlait de ça en Noël. Donc voilà. Sinon, une autre partie du corps, y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à dire? La flotte! C'est bon, ça aussi, je m'y attendais. J'en ai une ici de Jerry Jolie. Ben oui, c'est incapable, ça. Oui, il est incapable. Tiré de l'album Une Gornouille au bout. Et ça, c'est un CD que la blonde à mon père a trouvé. Ça vient du terroir, pour vrai. Ah oui, puis c'est un classique, puis il n'y en a pas beaucoup. C'est où déjà? Joliette? Non, ça vient de dans le coin de Gatineau, l'Outaouais en tout cas. Ah, ok. Et puis la chanson ici s'appelle Son gros minou. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon là. Chanson du chat. On va penser que c'est une affaire cochonne, puis finalement, ça va parler d'un chat. Mais non. C'est une affaire cochonne. C'est vraiment une affaire cochonne. Puis là, je l'ai écouté jusqu'à la fin, puis ouais, ça reste rien qui est pas de punch. Son gros minou. Quoi c'est que c'est ça? À sa main très bien avec les backs. Avec Monsieur Godet. Écoutez les backs vocals. Tout comme du blues. Tu pointes tout le tour. Mettons que je baisse un petit peu le volume, puis qu'on a Gérard Joly qui nous chante les grosses plottes pendant que Bruno nous lit des nouvelles de fin de 70%. Ça serait bon, ça. D'accord, alors pendant qu'on parle de vulve. Qu'on chante la vulve. Petite annonce, vous voulez une navette spatiale, mais n'avez pas les moyens? Non. Réjouissez-vous! Hein? La NASA vient de couper les prix de ses navettes des années 1970. Tous les modèles 1970 sont liquidés! Yeah! Les prix ont baissé de 42 millions à 28,8 millions. Oui, c'est une chance inouïe jusqu'à épuisement des stocks. La NASA vend les navettes Atlantis Endeavour et le jamais sorti de l'hiver Enterprise pour moins de 29 millions de dollars. Mike Curry, porte-parole de l'agence, est confiant que les navettes partiront comme des Peugeot. Dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Moteurs non inclus à l'intérieur, les moteurs sont disponibles gratuitement pour le prix du transport. Assemblage nécessaire, l'offre est valable jusqu'au 19 février. Wow! Ok, des crédibles en vendeur de chars usagés. Moi, je dis qu'on se cote ça à la gang, là. Oui, moi, je suis. Alors, c'était ma. C'était ma publicité pour ce soir. On s'en payait à la gang, voyons Discovery donc. Discovery déjà vendu. 70%. Ouais, Discovery est déjà payé au Smithsonian, puis ils vont peut-être acheter l'Enterprise aussi. Fait que, faut se dépêcher. Il y a un fermier romantique de l'Iowa qui a décidé de faire un cadeau grandiose à sa femme pour sa fête. Une grosse pile de caca! Israël est content. Pour sa fête? Oui. En effet, Dick Kleiss de Zwingo en Iowa a mis 3 heures afin d'écrire les lettres Happy Birthday Love You, court pour Happy Birthday Love You, avec 55 000 kilos de fumier. Oh my god. 55 000, puis il n'a pas réussi à écrire le mot au complet. Non, et même, il affirme je voulais mettre un cœur au bout du fumier. Mais j'ai manqué de fumier, voilà, donc... ça, on pouvait le voir de combien loin? On peut le voir sur Google. On pouvait le voir de la route, en tout cas. On pouvait pas le voir de loin, mais on le sentait de loin. Ouais, c'est ça, on savait qu'il était hey, fabuleux. Merci beaucoup, Bruno. Hein. Ah, ça me fait plaisir. Hey, c'est déjà la fin de 70%. Ah, ça passe trop vite. Hey, Étienne Forêt, ben, merci, bonne soirée. Israël, Evelyne, Claude, Bruno, Predge. Hey, Chris! Hey! Hey, lui, il était présent aujourd'hui. Dis quelque chose! Dis quelque chose! Je suis tombé endormi, mais salut, blague. Goodbye. Fais-nous une petite blague. Ah, j'ai pas grand blague pour vous autres cette semaine. Ben non, c'est un anglais. C'est pas drôle, un anglais. C'est quoi qui est écrit sur ton t-shirt? Fuck Leaf Nation. C'est fuck les Maple Leafs. Et merci, bonne soirée. Et voilà. C'est excellent. 70%. On s'en va au brouhaha. Oubliez pas d'aller voter, hein. Ouais, parce que c'est quoi qui est écrit sur ton t-shirt? Sinon, on se ramasse avec du Bollywood. C'est écrit Tanouinou. C'est un acteur. Turc. C'est un turc. Je suis plus trop. De l'information à 70%. Chambre, elle s'est dirigée. Quand elle est sortie, je me suis surpris. J'ai pris la porte en beau maudit. Son gros minou, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. I love you. और फौरन मेरे घर पे पहुंच जाओ. अरे जब तक तुम रिसीवर नीचे रखोगी मैं तुम्हारे घर के नीचे होऊंगा. ओके बाय बाय बाय बाय बाय बाय. जाने मन तू खूब है, खूब है तू खूब है. जाने मन तू खूब है तू खूब है. जाने मन तू खूब है तू खूब है. दिल फिदा तुझ पे किया है, तू मेरी महबूब है. जाने मन तू खूब है तू खूब है. जाने मन तू खूब है तू खूब है. दिल पिता तुझ पे किया है, तू मेरा महबूब है. जाने मन तू खूब है से दिल टकरा गए तो एक नशा छाने लगा दिल से दिल टकरा गए तो एक नशा छाने लगा तुम लगे सीने से जीने का मजा आने I'm